Metal Express avec Eric. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Eric avec vous donc pour vous accompagner dans le Metal Express comme chaque lundi de 19h à 21h. Je suis heureux de vous retrouver après quelques semaines avec un problème de son, donc c'était impossible pour moi de parler au micro, donc c'est résolu et j'aimerais remercier la personne qui a résolu ce problème, donc merci à toi War. Voilà, c'est fait. Je vous rappelle donc que vous nous écoutez sur Radio Heavy Metal. Radio Heavy Metal, c'est le https://radioheavymetal.site. Je vous rappelle que ce site officiel, donc, vous pouvez laisser maintenant un petit com. Vous cliquez sur le livre d'or et puis c'est fait. Donc, vous pouvez également télécharger nos applications sur votre smartphone ou voire tablette tactile. Il y a le Google Play et Apple Store. Vous pouvez aussi télécharger l'application radio.fr pour nous écouter. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a Facebook, Twitter et puis Instagram. J'aimerais remercier nos partenariats radio qui nous diffusent, c'est-à-dire le Metal Express. Il y a Radio Frequenzik, des Spirits, Canal Fuzz Radio et Radio Longway Rock. Un grand merci aussi à nos partenariats musique. Il y a Inverse Records, Duet Agency, Kerbrass Records et les promotions Kebar Promotion et Inferno Records. Voilà, on va pas perdre trop de temps parce que j'ai beaucoup de nouveautés à faire passer et ça m'étonnerait que je passe tout ce soir. Mais bon, on va commencer cette émission avec un groupe français qui s'appelle Asmodée. C'est un groupe de black metal technique et ce morceau s'intitule Great Final Justice. Et juste derrière, il y aura un groupe qui s'appelle Heart of Jordan avec le morceau Throne Alone. Allez, bonne écoute! Yeah! the final word. We'll be right back. Ce groupe s'appelle Hearts of Jordan et le morceau qu'on a écouté s'intitule Throne Alone. Je vous propose un groupe suédois au nom de Laid Back Tourneys et ce morceau s'intitule Blood Dead Woman. Tennis, donc je vous propose un groupe français qui s'intitule Legs Inc. avec ce morceau Of Men of Worms, suivi de Sinestro avec Arctic Blood. Bonne écoute dans le Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Voilà, donc le groupe s'appelle Siestro, ils sont suédois et ce morceau s'intitule Arctic Blood. Je vous propose maintenant deux groupes français. Le premier s'appelle Skald avec le morceau Run. C'est du Viking donc, vous allez voir, c'est excellent. C'est les Vikings qui débarquent à nouveau. Et puis il y aura un groupe qui s'appelle Droit Divin avec le morceau Win From Blood. Bonne écoute dans le Metal Express. We'll be right back. Martinière. Voilà, donc le groupe s'appelle Le Droit Divin et je vais rectifier, ils ne sont pas français, ils sont belges. Donc ils nous ont joué un stoner hard rock, c'est vraiment excellent. Je vous propose maintenant deux groupes. Il s'agit en premier de Marius Danielsen avec un morceau intitulé Rise of the Dark Empire, suivi de Man in Metal avec le morceau Only the Man, the Win. Pardon. Bonne écoute. Empire rising, surrender. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. We'll be right back. Le groupe s'appelle le Men in Metal. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Only the Wind. Maintenant, je vous propose un groupe qui s'appelle Nord. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Ghost, suivi de Night Crowned, avec le morceau All Life Ends. Bonne écoute. Je vous rappelle, pardon, que vous êtes dans le Metal Express. Et c'est Eric avec vous, donc jusqu'à 21h. We'll be right back. groupe est suédois, donc il nous joue un style blackned death metal, c'est excellent. Ils ont une page Facebook que je vais vous donner. Vous allez tout simplement sur la page Facebook Night Cronhead, et ils sont également sur Bandcamp. Alors pour ça, vous tapez Night Cronhead Black Lion. .bandcamp.com, je vais y arriver. Voici maintenant un groupe allemand qui s'appelle Steptagon, et avec le morceau Home Sweet Hell, suivi de Electric Charged, avec le morceau Blood, Black Blood, où j'ai du mal. Rain, terror, blood, tears of pain, the apostolic veil always covers his mind. Sister, brother, can't you see it? It's all crystal clear, but your fear struck you blind. I wish you were dead. The place where I live. À l'instant donc dans le Metal Express, le groupe allemand Septagon avec le morceau Home Sweet Hell. Et tout de suite, les dédicaces. Et oui, les dédicaces, il y en a quelques-unes parce que ça fait un petit moment qu'on m'en a demandé. Voici donc la première, c'est Deep Purple, ça s'appelle Burn et ça m'a été demandé par Thierry. Yeah. Burn, le huitième album donc studio du groupe britannique, pardon, Deep Purple. Il y avait entre autres Ian Gillan, non pardon, j'ai des bêtises en plus, c'est David Coverdale, Glenn Hughes, Ian Paice, Roger Clovers, et il y avait également, j'en oublie la moitié, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'en oublie la moitié. C'est-à-dire que, en fin de compte, j'ai mes papiers devant moi et en plus j'ai la tablette qui bug un petit peu. On va passer. Si vous avez les morceaux, envoyez-les-moi. Et puis je le redis à l'antenne. Voici en attendant une autre dédicace. Ça a été demandé par Stéphanie. Donc elle est de Belgique. Elle demande Judas Priest avec le morceau Painkiller. Scream! Killer, donc le 12e album du groupe de heavy metal Judas Priest. C'est le premier album également avec Scott Travis comme batteur, à la suite du départ de Dave Holland. L'album était sorti donc en 1990 et donc ce morceau m'a été demandé par Stéphanie de la Belgique. Donc j'ai eu des messages par rapport à Deep Purple, donc on m'a donné les noms. Il y a Richie Blackmore à la guitare, David Coverdale au chant, Glenn Hughes basse chant, John Lorg synthé évidemment, et puis Ian Pace à la batterie. Je suis impardonnable parce que Deep Purple, franchement, j'étais un grand fan. Allez, voici maintenant Ten Nut Gent. Ce morceau, je vais le dédier à Pierrot de Fécamp, ça s'appelle Catch Trash Fever. Trash Fever, donc, est une chanson écrite et interprétée par Tendent dans l'album du même nom qui est sorti en 1977. Elle fut reprise par Motorhead dans l'album March or Die qui était sorti en 1992 et puis par le groupe Pantera sur la bande originale du film Detroit Rock City qui était sorti en 1999. Allez, voici maintenant une dédicace et ça c'est moi qui va la faire, c'est pour Jojo, ça s'appelle Metal Church. Ça s'appelle Watch the Children Pray. We'll be right back. L'album donc de Metal Church s'appelait pardon The Dark. C'était le deuxième album donc. Il était sorti le 6 octobre 1986. Watch Children Pray, ce morceau qu'on vient d'écouter, qui était donc que j'ai dédié à Jojo. Et donc le prochain morceau, c'est les Guns N' Roses. C'est également pour lui. Ça s'appelle Locomotions. Je vais rectifier, ça s'appelle Locomotive. I'd rather take a deep dive, 'cause it's Metal Express, le groupe Guns N' Roses avec Locomotive. C'est une chanson donc que j'ai dédiée à Jojo. Voici maintenant un groupe français, c'est très compliqué le nom, il s'appelle DXVXDXDSXLF. On va y arriver avec le morceau Under the Gaze of Christ. C'est un groupe français. We'll be right back. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, voici encore une nouveauté. Ça s'appelle Equida Atacraneo. Oh, j'ai eu du mal. Ce morceau s'intitule Triton. Californien, il s'appelle Equida Catacraneo et le morceau qu'on a écouté s'appelle le Triton. Ils ont une page Facebook, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. En attendant, voici un groupe qui s'appelle le Ghost Color et le morceau qu'on va écouter s'intitule Overcome, suivi de Electric Charged avec le morceau Black Blood. Bonne écoute dans le Metal Express. Say après ça. Juste après ça. Tu as un groupe de métal ? T'aimerais qu'il soit diffusé ? Pour ça, contacte Radio Heavy Metal sur Facebook. Donc, le groupe s'appelle Electric Charged avec le morceau Black Blood. Voici maintenant Fear Rage avec Your Demise, suivi de Jeffrey Nothing avec le morceau Dead Space, Dead Inside. We'll be right back. Il s'appelle Geoffrey Nothing. Ce morceau s'intitule Dead Space, Dead Inside. C'est vraiment du très bon rock, hard rock. Il a une page Facebook, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Allez, voici un dernier morceau, c'est extrait du nouvel album de Burn Again. Cet album s'appelle True Heavy Nation. Bonne écoute! Ce soir, décidément, j'ai eu un peu de mal. Je vous rappelle donc que cette émission sera en podcast demain sur la page Facebook Radio Heavy Metal, également sur la page Facebook du Metal Express. L'émission sera également en rediffusion, c'est-à-dire sur Radio Fréquence Zik, mercredi de 22h à minuit, également dimanche de 21h à 22h, et puis elle sera également en rediffusion, c'est-à-dire sur Canal Fuzz Radio, demain mardi de 20h à 22h. N'oubliez pas que sur le site officiel de Radio Heavy Metal, vous pouvez maintenant laisser un petit commentaire. Vous cliquez sur le livre d'or et vous écrivez ce que vous avez envie de dire. N'oubliez pas également que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à lundi prochain. Allez, ciao !